comment vivre sa vie comme un jeu. À la fin du dernier épisode, je t'ai demandé si tu étais prête à entrer dans l'arène. Peut-être que ça te fait un peu peur parce que tu n'as pas forcément le profil du gladiateur. Cependant, il te faut comprendre qu'à l'heure actuelle, la vie ressemble à une partie de Jumanji. Il n'est donc pas forcément facile d'avancer dans cette jungle. Une fois que tu auras accepté qu'il n'est pas possible de gagner à tous les coups, tu auras déjà beaucoup progressé. Et n'oublie jamais que chaque partie perdue est une richesse. À retenir que la meilleure manière de cheminer, c'est de ne pas se prendre trop au sérieux. D'ailleurs, ce serait déjà pas mal si tu arrêtais de tirer la gueule. Tu as certainement côtoyé, lorsque tu étais au lycée, une fille, cancre de son état, qui se pavanait en totale opposition avec le système éducatif. À l'époque, tout le monde se disait que rira bien qui rira le dernier, car elle ne pouvait que mal finir. Eh bien non. À ce jour, elle est resplendissante. Ses choix si différents font d'elle une femme épanouie. Ce n'était donc pas de l'immaturité, bien au contraire. Il se pourrait même qu'il s'agissait de lucidité. Tu dois te dire que ce n'est pas juste, car cette connasse n'allait que rarement en cours, ne rendait pas ses devoirs, n'a jamais eu son bac, car bien trop occupée à se taper les plus beaux mecs sans se soucier de l'avenir. Alors que toi, tu ne sortais que rarement la tête de tes révisions, tu ne t'autorisais que peu d'écarts de conduite, pour aujourd'hui avoir l'impression d'avoir loupé un truc. Surtout que tu broides régulièrement du noir, alors qu'elle ne voit jamais de médecin, et la dépression est un concept qui lui est étranger. Il faut reconnaître que cette fille a de sacrées couilles. Elle ne se prend pas la tête avec l'avenir, elle se fout du passé et vit pleinement le présent, ce qui la rend spécialement réceptive aux opportunités qui s'offrent à elle. Elle n'a d'ailleurs pas eu besoin de diplôme pour obtenir un job où elle se sent bien. Cette femme est libre et heureuse. En plissant un peu les yeux, tu pourras même apercevoir son incroyable aura. D'ailleurs, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elle a une sexualité débordante. En même temps, je suis sûr que ça ne t'étonne pas vraiment. Car à l'époque déjà, elle faisait des trucs sous la couette que tu n'oses toujours pas 20 ans plus tard. Alors, que vas-tu faire? Continuer sur cette triste route ou oser envoyer bouler tout ce en quoi tu as cru jusque-là? Te contenter de faire l'amour gentiment ou tenter le grand frisson? Ne réfléchis pas trop, car ça va être à toi de jouer. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.